Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Alors pourquoi on vous raconte ça ? Parce que cette épidémie qu'on n'en finit pas de vivre a résonné de façon assez singulière pour les médiévistes, parmi lesquels Patrick Boucheron, et que le Covid peut nous aider à mieux comprendre ce qu'a été l'épidémie de peste noire au XIVe siècle. Alors pourquoi ne pas raconter son histoire et les marques qu'elle a laissées ? Et dans vos oreilles, aujourd'hui, la peste comme narratrice, des marmottes pleines de puces qui descendent de leurs montagnes, des catapultes qui balancent des cadavres et un petit registre paroissial relié de cuir qui liste les noms de ceux et celles qui sont morts. Mais pour commencer, les deux premiers épisodes, quel chemin a pris la peste pour décimer les populations ? La première alerte reçue par l'OMS remonte au 31 décembre 2019. Elle fait état d'une série de cas de pneumonie d'origine inconnue, dont l'épicentre se situe à Wuhan. Hello, good day and welcome to today's global COVID-19 press conferences. Itinéraire d'une épidémie. Voilà, je suis à la fenêtre de la salle de bain, normalement à 21h. Il y a la sirène d'alerte de confinement qui va se mettre en route. Une des caractéristiques au fond de la crise que nous vivons aujourd'hui, je vais parler de la crise du Covid, c'est que nous vivons en direct une maladie que l'on identifie, que l'on reconnaît. Et il y a une instantanéité de l'affection et de la connaissance. Alors qu'il faut comprendre, il faut se remettre dans les conditions historiques où, si vous voulez, quand on parle de la peste noire, nous parlons de quelque chose qui a produit la mort de la moitié, peut-être plus, de la population européenne sans que personne n'ait aucun moyen intellectuel de comprendre ce qui se passait. Si on voulait vraiment être rigoureux, on dirait pas un tel est mort de la peste, mais un tel est mort de ce que nous appelons aujourd'hui la peste. Et comme ça les effrayait, et comme ils ne savaient pas ce que c'était, ils appelaient peste ce qui les faisait mourir, mais ce n'était pas la nôtre. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est un même mot pour désigner deux choses qui sont radicalement différentes, le fait de savoir et le fait de ne pas savoir. Ils ne savaient absolument pas ce qu'était la mortalitas qui les fauchait, et c'est pour ça qu'il l'appelait pestis. La peste ! Sic transit gloria mundi. En 1346, dans les pays d'Orient, un nombre incalculable de Tartares et de Sarrasins furent terrassés par une mystérieuse maladie qui entraîna la mort subite. Pendant longtemps, il parlait de pestilence, d'épidémie, de mortalité, de maladie des bosses, plus rarement de peste ou de peste universelle. Et parfois, il disait « grande mortalité », car la plus meurtrière, c'est bien elle, la grande peste du milieu du XIVe siècle. Celle qu'on a appelée plus tard la peste noire, et je le sais parce que la grande peste, c'est moi. Les hommes et les femmes étaient stupéfaits, ils tombaient comme des mouches. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter parce que ce qui se passe aujourd'hui vous aidera à la comprendre. Pour commencer, j'ai beaucoup voyagé. Je suis venue d'Asie et mon passage chez les Tartares n'est pas passé inaperçu. Une colonie orientale au nord de Constantinople et fréquentée par les marchands italiens fut assiégée par des hordes de Tartares. Les marchands chrétiens étaient si terrifiés qu'ils s'enfuirent à Caffa, une colonie fondée par les Génois. Mon Dieu, si vous aviez vu comment les races tartares païennes ont soudain assiégé la ville de Caffa et y ont piégé les chrétiens. Mais voici qu'un jour, toute l'armée fut touchée par une maladie qui a gagné les Tartares et en a tué des milliers et des milliers chaque jour. Julien Loiseau, on est là au bord de l'eau, on voit un grand paquebot rouge qui s'en va. Julien Loiseau, il est médiéviste. Il enseigne à Aix et il a fait une carte des chemins de la peste et c'est pour ça qu'on va le voir. Est-ce que vous pouvez nous dire où on est ? Alors, nous sommes à l'entrée du vieux port de Marseille, donc de l'unique port médiéval de Marseille. Nous sommes au pied du Fort Saint-Jean et en face des tours de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui était située hors les murs de la ville. Alors le port de Marseille au milieu du XIVe siècle est encore un port important, même s'il a décliné depuis la fin du XIIIe siècle. Il est très intégré au réseau du commerce à la fois de l'Italie du Nord, notamment du port de Gênes, et puis de la côte catalane. C'est là que, en novembre 1347, des navires en provenance de Gênes introduisent pour la première fois le bacille de la peste à Marseille. Alors, le bacille a suivi les itinéraires des navires génois depuis le grand comptoir génois de Caffa en Crimée, via le comptoir génois de Péra en face de Constantinople, puis via Messine jusqu'au port de Gênes, et ensuite dans tous les ports avec lesquels communique Gênes, et notamment Marseille. C'était comme si des flèches tombaient du ciel pour frapper et écraser l'arrogance des Tartares. Ils mouraient dès que des signes de maladie apparaissaient sur leur corps, gonflement de l'aisselle ou de l'aine, suivi d'une fièvre putride. Les Tartares mourant, abasourdis et stupéfaits par l'immensité du désastre provoqué par la maladie, levèrent le siège. Mais avant, ils ordonnèrent que les cadavres soient placés dans des catapultes et lancés dans la ville, dans l'espoir que la puanteur intolérable tuerait tout le monde à l'intérieur. Des montagnes de morts ont été jetées dans la ville, et les chrétiens ne pouvaient ni se cacher, ni fuir, ni s'échapper. Voilà, aucune chance d'en réchapper, des morts par milliers, des symptômes spectaculaires, je n'y suis pas allée de main morte. Et Gabriel de Mussis, le notaire de Plaisance, qui est un des rares à raconter mon itinéraire à l'époque, a façonné une histoire devenue mythologique. Au départ, c'était simple. Au départ, cette maladie, elle se racontait à hauteur d'hommes. Les femmes et les hommes qui en étaient les victimes. Alors lui, c'est Patrick Boucheron, c'est un médiéviste. Il est spécialiste de la ville et on a été le voir parce que depuis l'année dernière, il donne un cours sur la peste au Collège de France. Et comme c'était terrifiant, il fallait un début tout aussi effrayant. Et on le trouvait aisément dans une scène de guerre, celle du siège de Caffa et des catapultes de cadavres empoisonnés, de trafic de bateaux, de puissances commerciales, de colonies. Et alors, on voyait arriver le mal, la mort par les ports. Et alors justement, si on remonte à cette histoire de bateau, d'où on la tient ? On la tient d'un récit et d'un récit seul. Et ce témoignage unique du siège de Caffa, c'en est pas vraiment un de témoignage. Guillaume de Mussis n'a pas été témoin de la scène qu'il raconte. C'est une reconstitution poétique par quelqu'un qui est très loin du théâtre des opérations. C'est un notaire de Plaisance qui cherche à, au fond, exprimer ce qu'il sait par l'image la plus frappante et la plus effrayante. Ce qu'il sait, c'est que la peste vient des bateaux, ceux des réseaux commerciaux génois en mer Noire, ce qui est très probable aussi. Et bientôt, les cadavres pourris ont souillé l'air et empoisonné l'approvisionnement en eau. Et la puanteur était si écrasante qu'à peine un sur plusieurs milliers était en mesure de fuir ce qui restait de l'armée tartare. De plus, un homme infecté pouvait infecter des personnes et des lieux par le seul regard. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, le siège de Caffa par les troupes mongoles. Je dis que, comme souvent en histoire, c'est la trace d'une intrigue qui doit nous conduire vers peut-être autre chose. Les Mongols, ils sont porteurs, dans l'imaginaire occidental, d'une frayeur guerrière et apocalyptique. Voilà. C'est-à-dire quand ils sont apparus, dans les années 1220, au bord du monde, eh bien, ils ont été immédiatement assimilés à Gog et Magog qui allaient ouvrir les portes d'airain de l'enfer et se déverser sur l'Occident. Donc, les Mongols, c'est le nom du peuple de l'Apocalypse qui va précipiter la fin des temps. C'est la peste, donc c'est le nom de ce qui fait peur. Qu'est-ce qui fait peur depuis le XIIIe siècle? C'est les Mongols, donc la peste vient des Mongols. Voilà. D'une certaine manière, n'est pas un reportage sur ce qui a eu lieu à Kaffa, mais nous documente sur l'effroi que, dans l'Italie, cette maladie nouvelle et inconnue suscite. Alors, les routes de la peste sont à la fois les routes des armées mongoles et les routes des marchands, qui profitent de la protection apportée précisément par les armées mongoles et par l'Empire mongol au commerce eurasiatique. Et ce n'est pas un hasard si on retrouve les uns et les autres à Kaffa, ce grand comptoir commercial de Crimée, tenu depuis le dernier tiers du XIIIe siècle par la cité de Gênes, mais où se retrouvent des marchands de toutes les nations marchandes de cette partie du monde au Moyen-Âge. Ce sont ces itinéraires à la fois des armées, des marchands, mais aussi des pèlerins qui ont conduit à la dissémination rapide de l'épidémie. Or, parmi ceux qui se sont échappés de Kaffa en bateau, il y avait quelques marins qui avaient été infectés par la maladie vénéneuse. Certains bateaux partaient pour Gênes, d'autres allaient à Venise et vers d'autres régions chrétiennes. Chaque ville, chaque village, chaque lieu était empoisonné par la peste contagieuse. Et quand une personne avait contracté la maladie, il empoisonnait toute sa famille alors même qu'il tombait et mourait. Ainsi, la mort entrait par les fenêtres. Et à mesure que les villes et les villages se dépeuplaient, leurs habitants pleuraient leurs voisins morts. Donc c'est assez intéressant parce que on a un épisode en partie légendaire dont les historiennes et les historiens de métier ont appris à se méfier, à y reconnaître des motifs imaginaires. Donc ils l'ont décodé sur le plan historique, mais ils le recodent aujourd'hui. C'est-à-dire que cet épisode, il dit quand même quelque chose, sans doute, de la diffusion de la peste, mais pas comme il prétend le dire. Non pas comme un acte de guerre qui ferait du corps pestiféré une arme bactériologique, mais comme un transfert de l'agent pathogène, vraisemblablement quand même de ce côté-là, c'est vrai, et en rapport avec des grands mouvements de population en Asie centrale. Kaffa effectivement joue un rôle très important dans la dispersion de la peste à partir de 1347, mais on peut remonter plus loin dans le temps et surtout remonter la piste dans l'espace vers les ou le foyer probable de la pandémie de peste du milieu du XIVe siècle. On sait déjà que l'année précédente, donc en 1346, les grandes villes de la vallée de la Volga, qui sont les grandes villes de ce très grand royaume mongol qu'on appelle la Horde d'Or, donc la capitale notamment, Saraï, mais aussi la ville d'Astrakhan, Astrakhan, sont ravagées par la peste en 1346. On peut trouver un jalon antérieur en se rendant dans une oasis au sud du lac Balkhash, l'oasis de Lysikoul, où des cimetières monastiques, de communautés monastiques chrétiennes, nestoriennes, ont été étudiés à la fin du XIXe siècle par des archéologues russes et ont mis en évidence une surmortalité dans ces communautés nestoriennes autour des années 1338-1339. Souvent, on m'appelle la grande peste de 1347, mais ce n'est pas ma vraie date de naissance. C'est juste le récit raconté du point de vue des Européens. Alors on peut tenter de remonter le fil pour trouver un point de départ et une date. On pourrait dire que c'est 1338, dans une de ces vieilles tombes de moines près d'un lac d'altitude immense à la frontière de la Chine, du Kirghizistan et du Kazakhstan. Mais ce n'est pas encore ça. On peut remonter encore plus loin. C'est probablement dans cette région, sur le plateau tibétain, que le bacille de la peste, que Yersinia pestis, s'est maintenu à l'état endémique dans des populations de rongeurs telles que les marmottes ou les gerbilles. Et c'est probablement sur le plateau tibétain que Yersinia pestis a connu une mutation, une polytomie, liée peut-être à un changement climatique ou à un changement d'hôte animal, provoquant la dispersion rapide du bacille hors du plateau tibétain. L'hypothèse tibétaine soulève une autre question. On sait que lorsque les Mongols ont conduit leurs premières attaques contre les cités du Tibet, nous sommes dans les années 1210, ils ont dû faire face à des maladies inconnues, foudroyantes. Est-ce que l'on a déjà là une première apparition de la peste plus d'un siècle avant la grande pandémie du milieu du XIVe siècle? C'est là aussi une hypothèse de recherche actuelle. Aujourd'hui, on se pose la question, j'allais dire cosmique, de qu'est-ce qui a pu précipiter ce saut d'espèces. Ce sont des expressions qui, évidemment, étaient lointaines, enfin en tout cas loin de nos préoccupations il y a encore quelques années. Et maintenant, évidemment, depuis la crise sanitaire du Covid, eh bien, on sait tout, on croit tout savoir sur le passage de l'épizootie à l'épidémie. Et le plus souvent, c'est un changement climatique ou environnemental. Donc, en fait, on était sagement sur les bateaux des marchands génois et nous voilà transportés très en haut dans les étoiles, dans le rayonnement cosmique qui va changer les conditions climatiques du monde autour du XIIIe siècle, ou très en bas, si j'ose dire, dans la paléogénomique d'un agent pathogène, Yersinia pestis. Et au fond, ce sont toutes ces échelles qu'il faut tenter de combiner pour saisir le début de la peste. A new form of life, like dwarf carp's bacteria. La dite mortalité, dit-on, commença chez les infidèles, puis vint en Italie, puis à travers Mont vint à Avignon, où elle frappa quelques-uns des seigneurs cardinaux et leur enleva toute leur famille. Puis, par la Gascogne et l'Espagne, petit à petit, de village en village, de rue en rue, jusqu'en Allemagne. Mais les toucha moins que nous. Jean de Venette. The number of deaths that are being reported around the world is really shocking this late into a pandemic. When we have the tools at hand that can prevent infections. Alors de la même manière, l'épidémie remonte le long des voies commerciales. Les cités italiennes sont très rapidement atteintes à l'été 1348 en raison précisément de leur interconnexion et de l'intensité des échanges qui les lient entre elles. Les pays allemands sont probablement atteints à la fois par le sud, depuis Venise, et puis atteints par l'ouest depuis le royaume de France, encore une fois avec un rôle sans doute très important des voies fluviales. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, encore une fois, la peste ne suit pas nécessairement les itinéraires que l'on pourrait attendre. Les îles britanniques sont sans doute atteintes depuis Bordeaux. Bordeaux qui faisait partie du domaine du roi d'Angleterre. Le nord de la France actuelle, la région de Calais, est probablement atteinte depuis l'Angleterre. Là aussi, Calais, est depuis la bataille de Crécy, depuis la défaite du roi de France, fait partie du domaine du roi d'Angleterre. La peste est à Paris à l'été 1348. C'est vrai, je m'en souviens. Et là aussi, les Parisiens ont été fauchés comme jamais. Les cloches de Notre-Dame n'arrêtaient pas de sonner, on évacuait les morts par la Seine, vers Corbeil. On disait qu'un tiers des habitants avaient péri et qu'au cimetière des Innocents, parfois, on enterrait 500 morts par jour. Alors c'est vrai, j'ai été partout. Mais il y a aussi des endroits que je n'ai pas réussi à atteindre. Trop loin des routes ou des fleuves, trop isolés, trop enclavés, en Finlande ou en Islande, dans quelques vallées des Pyrénées, et même des choses que je ne m'explique pas, je ne suis pas passée par Carpentras. Mais il y a aussi des endroits où l'on ne sait pas. Est-ce que j'y étais ou est-ce que je n'y étais pas? La peste sème l'effroi et la mort. Elle commença dans le pays de l'obscurité. Elle courut pendant 15 ans. La Chine ne fut pas épargnée et ne put empêcher qu'elle pénètre dans ses forteresses les plus puissantes. La peste affligea les Indes, elle ravagea le Sindh. Elle saisit dans ses mains qu'elle referma comme un piège le pays des Ouzbeks. La peste augmenta et s'étendit plus loin, elle attaqua les Persans, bondit sur le pays des Kitaïs et gagna au loin la Crimée. Elle affligea le Roum de ses charbons ardents et ravagea Chypre et les îles de l'archipel. La peste détruisit tout ce qui relevait du genre humain au Caire. Elle jeta les yeux sur l'Égypte. Elle anéantit tout mouvement à Alexandrie. Puis elle se tourna vers la Haute-Égypte. Un certain nombre d'auteurs égyptiens bien renseignés des réalités éthiopiennes mentionnent les ravages de la peste en Éthiopie et l'interconnexion des hauts plateaux éthiopiens dans les réseaux du grand commerce islamique du bassin de la mer Rouge expliquerait très aisément que ces régions aient été atteintes par la peste. Et en effet, les nouvelles sources et les travaux de Marie-Laure Derat ont montré que finalement, la raison pour laquelle la peste n'avait pas été mise en évidence en Éthiopie pour cette période jusqu'à présent était liée au fait que personne ne s'était vraiment posé la question. Gérard Chouin, il est anthropologue et archéologue. Il est spécialiste de l'Afrique médiévale et du Ghana et il cherche des traces de la peste. Et le cas éthiopien est vraiment intéressant, je crois, non seulement parce qu'il existe des sources écrites, mais parce que on voit également que l'arrivée de la peste coïncide avec l'adoption de nouveaux saints par l'Église éthiopienne, et notamment des saints pesteux qui sont connus en Europe, qui viennent d'Europe et qui viennent de l'Italie plus particulièrement, et qui sont importés en Éthiopie à cette période pour lutter contre la maladie. Donc dans un effort de spiritualité pour résister à cette maladie. Je pense à Saint Roch en particulier, mais aussi Saint Sébastien. Saint Roch et Saint Sébastien, priez pour nous. Notre-Dame de la Selle, priez pour nous. En revanche, l'Afrique au sud du Sahara, en l'état actuel des connaissances, ne semble pas avoir été atteinte par la peste, alors même que, pour ce qui est des cités sahéliennes, notamment des cités de la boucle du Niger, on sait qu'elles sont régulièrement en relation avec les grands centres urbains d'Afrique du Nord et surtout avec la capitale égyptienne, le Caire, à cette époque, qui a elle-même été ravagée par la peste. Est-ce que nous avons là une exception liée au climat ou liée peut-être aux différences écologiques, ou bien avons-nous simplement un manque qui est lié au fait que nous n'avons pas de sources écrites pour cette période pour l'Afrique subsaharienne. Si vous voulez, je me suis posé la question à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison valide pour expliquer que la peste ne se serait pas répandue dans le reste de l'Afrique à cette période. J'en ai déduit que la maladie avait peut-être impacté l'Afrique subsaharienne, mais qu'en effet, on avait un problème d'invisibilité de cette crise liée à l'absence des sources traditionnelles que l'on utilise pour la peste. Et du coup, l'utilité de ce tourner vers d'autres sources. J'ai découvert un site archéologique au Ghana, qui est un site d'un type bien particulier. Ce sont des villages entourés de fossés. Et en travaillant sur ce site, qui s'appelle Akrokrowa, dans le sud du Ghana, je me suis rendu compte qu'il y avait un abandon de ce site au XIVe siècle. Et je me suis rendu compte également que cet abandon n'était pas restreint au site que j'étudiais, mais que ce type de site avait été abandonné dans la région, disons, à peu près à la même période. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à une question de crise régionale. Et en comparant un petit peu avec, disons, l'histoire globale, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait là un écho qui était lié à la peste. Et c'est vrai que l'abandon de sites d'habitat, c'est un réflexe assez bien connu, assez bien documenté, lorsqu'on fait face à des mortalités inédites. On voit une crise politique d'une certaine manière au travers de cette géographie changeante des grands centres de pouvoir, des grands centres urbains. Et on voit également émerger de nouvelles entités politiques, des sortes de cités-États que l'on voit très bien émerger dans le contexte archéologique parce qu'elle s'entoure de grandes enceintes qui n'existaient pas auparavant. Il nous manque des éléments probants, c'est-à-dire éventuellement des restes humains dans lesquels on pourrait isoler de l'ADN ancien de Yersinia pestis, le pathogène responsable de cette maladie. On n'a pas encore ces preuves en Afrique. Pour l'instant, véritablement, pour moi, la peste, c'est une hypothèse de travail. Je pense qu'il faut en effet faire aussi attention, c'est-à-dire il ne faut pas tout à coup que toute anomalie et toute crise dans l'histoire de l'Afrique au XIVe siècle deviennent une conséquence de la peste. Maintenant, pour ma part, je ne voudrais pas me priver de cette hypothèse de travail parce que, une fois de plus, elle convient assez bien à ce que j'observe sur le terrain, hein, et je pense tout particulièrement aux bronzes qui ont été retrouvés sur le site d'Ileifé, hein, qui sont donc des objets qui étaient très précieux à cette époque et qui sont cachés par les gens qui partent de cette ville avec l'espoir sans doute de revenir et qui ne reviennent jamais. La grande question est notamment de savoir si et quand la Chine a été elle-même atteinte par la peste. Alors le cas des sources chinoises rejoint le problème posé parfois par les sources arabes, c'est-à-dire que on a effectivement des descriptions d'épidémies, des mentions d'épidémies dans les années 1340, mais il ne s'agit que de mentions génériques d'épidémies, et là, les sources écrites ne donnent pas d'arguments suffisants pour conclure à une diffusion effective de la pandémie de peste en Chine dans ces années 1340. Il y a donc ici une énigme, sachant que on sait par ailleurs que la Chine connaît des bouleversements sociaux et politiques graves à partir du début des années 1350, qui conduisent d'ailleurs à la chute de cette dynastie mongole des Yuan. Il n'est pas non plus exclu que ces bouleversements soient liés à la déstabilisation entraînée par la peste. C'est que parfois, je n'ai pas laissé de traces et on n'a rien écrit à mon sujet. Ou bien c'est que rien n'a été gardé pour les historiens d'aujourd'hui. Et puis parfois, dans certains endroits reculés, je suis arrivée bien plus tard. Par conséquent, à partir du moment où la carte de la dispersion de l'épidémie de peste épouse très largement la carte commerciale du temps, elle met en évidence aussi des zones plus enclavées où l'épidémie tarde à arriver. C'est le cas notamment des pays russes, des grandes villes russes qui ne semblent avoir été atteintes que assez tardivement, alors même qu'elles font partie du domaine de la Horde d'Or, qu'elles sont soumises au royaume mongol de la Horde d'Or et qu'on aurait pu penser qu'elles soient atteintes dès l'année 1346 ou l'année 1347. Les premières mentions à Novgorod datent de 1351, puis pour Moscou et Kiev 1352-1353, ce qui est sans doute l'indice ici d'un enclavement de ces villes dans les réseaux commerciaux du temps. Alors on estime généralement que la première flambée retombe vers 1352-1353. Moins de 10 ans plus tard, on a les premiers retours de peste qui montrent que le bacille continue évidemment de circuler et qu'il est en train de s'établir de manière endémique dans certaines régions de Méditerranée ou d'Europe occidentale. C'est que j'ai fini par m'installer. Je faisais des pauses et puis je réapparaissais ici ou ailleurs, tous les 10 ans, parfois moins, parfois plus. Et en tous les cas, en Europe, je suis restée jusqu'à la grande peste de Marseille en 1720. Mon itinéraire a duré 400 ans. Et ce qui a marqué durablement, ce qui a traumatisé les populations et les mémoires, c'est la mort en masse, une mort infatigable qui a tué peut-être un tiers de l'humanité. Mais comment compter ? Piedmont in Mexico. Population 68. Merci à Julien Loiseau, Patrick Boucheron et Gérard Chouin. France Culture, LSD, la série documentaire, tout de suite le deuxième épisode de La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Mon enfant, et maintenant, réjouissez-vous. Vous voilà sur le seuil de votre vie éternelle.